blanc qui là, c'est tout des chatites fées. Y'a un petit blanc, y'a un petit brun, y'a un petit pas de mon goût du tout, mais ça s'en fait du mal. Qui là c'est tout des chatites fées. Tout qui me dégoûte, ça se porte une titouille et l'humeur au neuf. C'est trop l'argent pour moi, dépenser, dépense avec moi. Je me rappelle comment je passais devant la porte de ta maman. N'a pas qui me voulait moi. J'ai eu la chance, mais aujourd'hui me fan de l'argent, ils m'ont pédé d'aller les voir. Non, je voulais moi avant de Aquesta ha estat la cançó d'Orange Trahan amb aquest Fils de Nom que ens conduïa també a través del nostre espai. És el moment d'escoltar l'Àngel Rodríguez en la seva col·laboració setmanal amb nosaltres. Benvingut, Àngel. Tal Ben Jersey és el nom complet de l'artista Tal, una cantant i ballarina nascuda a Israel l'any 1989, però que amb només un any la seva família va emigrar a França. Va debutar l'any 2009 amb el tema La Music et Mon Ange, La Música és el meu àngel, i per moltes forces angelicals que pogués tenir, la discogràfica va deixar de confiar en ella. Durant aquest temps es va dedicar a tocar el piano a bars de París fins que algun àngel li va dir: noia, torna a enregistrar perquè tindràs èxit. I així ha estat. Escoltem el seu gran èxit del 2012 titulat L'essence de la vie. Amb vosaltres, Tal. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas. Sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. De l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Tout sens en contre-sens, on se perd toujours. Quand on fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne se voit, il y a toujours une étoile qui scintille et nous guide sur le chemin de nos rêves. Et quand on y croit, un nouveau jour se lève. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Així ens portava aquesta música tan marxosa avui l'Àngel Rodríguez, la seva col·laboració amb el nostre programa de la Music i la música de Tal. Ja us ho hem avisat al principi, avui és un programa eclèctic, és un programa amb música molt diferent, amb artistes molt diferents. Ens agrada fer-ho de tant en tant. Sophie Bellancourt n'és un exemple. Des del 2012 i el seu àlbum de les històries de nois i de noies. Monsieur Ménard a 50 ans, agrégé de sciences.

changé les couleurs. Kumba, Kumba, la mer n'est plus bleue pour toi. C'est Kumba, c'est vraiment, c'est basé apparemment sur une vraie histoire. C'est Orchestre Baobab Kumba du Sénégal. La continuació de, després de la col·laboració d'en Hamid a Olala Music amb aquesta peça de Kassaf. Même si des moments, moi pas sourire pour vous. Les oiseaux chanter, c'est à vous moins qu'à penser. Pas moins force pour tchamber. Dans ces toiles filées, c'est à vous moins qu'à penser. Pas moins force pour tchamber. C'est un cas pas moins force pour moins tchamber. Dans ces étoiles filées, c'est à vous moins qu'à passer. Pas moins force pour tchamber. Oh, les oiseaux chantés, c'est à vous moins qu'à passer. Pas moins force pour tchamber. À la demande, We'll be right back. de Zouk, així ens arribava a través d'Antacassaf a la demanda, com ens deien ells mateixos amb aquesta cançó. Recte final en Taula La Music. Ja veieu que en el programa d'avui tenim estrictes i sobretot gèneres musicals molt diversos. Ens agrada fer-ho això molt de tant en tant, i ho fem, i amb vosaltres us acompanyem amb aquestes cançons. Cançons com, per exemple, la de Disney, que també és present en el programa d'avui, i Coralie Clement i Joe Félix, que ens monten la seva versió d'aquest El món és petit. Toi, j'ai failli crier vers toi.